Exercice 13, page 105. Oscar sourit et part dans la cuisine, se servir un grand verre d'eau. Quand il revient dans le salon, Asafar lui annonce fièrement « J'ai les enregistrements du répondeur téléphonique de Le Prince ».